cacher mes secrets dans le fond d'un tiroir. Combinaison adaptée au sens de l'histoire. Qu'un voix fort parte blinder, triple épaisseur de sécurité. Cacher mes pensées au coma immortel, ne pas laisser passer des sentiments éternels, enfoncer le tout dans les esprits obtus, sorti d'un doute, j'ai repris le dessus. Je me protège. Je me protège. Ouh, on se protège.